L'actualité à Nancy et ailleurs. L'UDAF 54 fête ses 80 ans et organise le 30 septembre au Palais des Congrès de Nancy une journée consacrée aux aidants familiaux. Pour en parler, nous accueillons Dilaï. Bonjour. Bonjour. Étudiante en alternance à l'UDAF 54. C'est ça, oui, en RH. Ce rendez-vous des 80 ans, c'est quand même un poids, quelques années. Ça représente quoi ? C'est vrai qu'en tant qu'alternante, j'ai eu de la chance déjà d'être tombée sur l'année des 80 ans et d'organiser cette journée sur le thème des aidants. Et moi, personnellement, ça fait presque 3 ans. Et c'est vrai que de monter un projet comme ça sous la surveillance, entre guillemets, de ma tutrice. C'est vrai que c'est un vrai honneur pour moi de fêter ça, en tout cas. Donc, cette thématique des aidants, de l'aidant familial, des aidants familiaux, qu'est-ce qu'on appelle un aidant ? Ça peut être un proche, un frère, un cousin, un parent. Ça peut être une personne âgée qui est en manque d'autonomie ou alors atteinte d'une maladie psychologique qui a besoin d'être suivie. Enfin, voilà, c'est très général, en fait, comme terme, et on peut être aidante également de son enfant. Tout le monde peut se retrouver dans cette situation d'aidant. Donc, cette Totalement. Journée des 80 ans et ce 30 septembre au Palais des Congrès concerne tout le monde. Qu'est-ce qui va s'y passer ? Alors, on va y retrouver des tables rondes, donc justement concernant les dispositifs spécifiques pour les aidants. Et ensuite, viendra une table ronde où là, ça va plutôt se consacrer sur les salariés aidants, donc vraiment dans la vie professionnelle. Puis, on y va voir en fait des animations, un spectacle. Puis voilà, ça va être vraiment des échanges conviviaux. On aura un cocktail déjeuner pour pouvoir échanger avec les associations qui seront également pour pouvoir distribuer les flyers et en discuter aussi avec les présents. Donc c'est ouvert à tout le monde, professionnels, mais aussi les particuliers, le public. Voilà, c'est ça. C'est sous inscription. Mmh. Donc là, on a actuellement 350 d'inscrits. Oui. Donc il reste encore peu de place. Donc encore une semaine pour s'inscrire. Pour s'inscrire, comment fait-on alors pour s'inscrire ? Alors, vous pouvez trouver le lien sur notre site internet, sur notre page LinkedIn, page Facebook. C'est souvent partagé. On peut retrouver les liens sur tous les réseaux sociaux. Et l'inscription est gratuite ? Et l'inscription est totalement gratuite, oui. Et c'est à partir de quelle heure ? Alors, c'est à partir de 9h. Il y aura un café d'accueil pour tous les participants et puis le grand public. Et 9h30, on entre en salle et l'ouverture par les politiques présents, notre président. Pour fêter les 80 ans quand même de l'UDAF 54. Exactement. Merci beaucoup, Dilaï. Merci à vous. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.